Il mena dès lors une existence double, couchant religieusement chez la maréchale et passant l'après-midi chez madame d'Ambreuse, si bien qu'il lui restait à peine, au milieu de la journée, une heure de liberté. L'enfant était à la campagne, à Andilly. On allait le voir toutes les semaines. La maison de la nourrice se trouvait sur la hauteur du village, au fond d'une petite cour, sombre comme un puits, avec de la paille par terre, des poules, çà et là, une charrette à légumes sous le hangar. Rosanette commençait par baiser frénétiquement son poupon, et, prise d'une sorte de délire, allait et venait, essayait de traire la chèvre, manger du gros pain, aspirer l'odeur du fumier, voulait en mettre un peu dans son mouchoir. Puis, il faisait de grandes promenades. Elle entrait chez les pépiniéristes, arrachait les branches de lilas qui pendaient, en dehors des murs, criait « Hu, bourriquet !» aux ânes traînant une carriole, s'arrêtait à contempler par la grille l'intérieur des beaux jardins. Ou bien, la nourrice prenait l'enfant, on le posait à l'ombre sous un noyer, et les deux femmes débitaient, pendant des heures, d'assommantes niaiseries. Frédéric, près d'elle, contemplait les carrés de vigne sur les pentes du terrain, avec la touffe d'un arbre de place en place, les sentiers poudreux, pareils à des rubans grisâtres, les maisons étalant dans la verdure des taches blanches et rouges. Et quelquefois, la fumée d'une locomotive allongée horizontalement au pied des collines couvertes de feuillage, comme une gigantesque plume d'autruche dont le bout léger s'envolait. Puis ses yeux retombaient sur son fils. Il se le figurait jeune homme. Il en ferait son compagnon. Mais ce serait peut-être un sot, un malheureux, à coup sûr. L'illégalité de sa naissance l'opprimerait toujours. Mieux aurait valu, pour lui, ne pas naître. Et Frédéric murmurait, pauvre enfant, le cœur gonflé d'une incompréhensible tristesse.